J'ai l'assurance de mon salut. Et l'Esprit Saint m'a regénéré. Je veux obéir à mon Seigneur, en mon cœur sentir la paix et la joie. Veillez et priez, l'attendre un jour. Me laisser lier par son amour. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Oh.